garçon, Gabé Armani, Claudy Lelo. Talali bonso talaka, menace au beti limakoué. Et c'est balance au monata, côté païkoua inoutié. Toda canase, Aida, toda capena libolo.